les champions, putain. On est les champions. Non mais tu le crois ça? On est les champions. Non mais c'est fou. Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Et bonsoir à tous. Ce soir, vous avez rendez-vous avec la cinquième émission de la saison 5 de Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM de 19h à 20h30, notre nouveau créneau de cette année. Et je suis accompagné ce soir d'une équipe légèrement plus resserrée encore que nous avons un envoyé spécial qui interviendra normalement dans quelques minutes sur le rugby. Sur le rugby, comme de coutume, notre Guillaume, mais du coup, nous avons trois chillers en plateau, un de moins qu'à l'habitude. Mais de la qualité à nouveau autour de moi. Tout d'abord à ma droite, Corentin qui est là ce soir et cinquième titularisation sur cinq. Je suis le seul à avoir fait la totale et toujours présent, hein, toujours debout comme j'ai l'habitude de dire, et ça fait toujours plaisir d'être ici. Et puis ensuite Tariq à sa droite qui devient un habitué de l'émission aussi et qui nous gère de main de maître notre page Twitter depuis cette semaine. Salut à tous, oui on essaye de faire un peu vivre notre compte Twitter comme on peut. Et pour l'instant, ça va, on va dire que ça marche plutôt bien. Ça se lance petit à petit. Et puis enfin, Guillaume, bon, toujours avec toujours son blessé. Plâtre, hein, toujours blessé, hein, je vérifie. Ah, encore pour un mois. Mais bah, du coup, on peut regarder les matchs à 7h15 de la Coupe du Monde de rugby, c'est bien. Exactement, il faut voir les dehors, vois, il faut voir les avantages. Et puis je pense qu'aussi, justement, tu as eu des matchs en moins cette semaine. Donc il y aura de quoi passer quelques petits coups de gueule. Donc ce soir, revenons sur le programme avant d'avoir notre envoyé spécial par téléphone. Les débats des Chillers vous proposent tout d'abord deux sports, du rugby et du cyclisme au programme. En effet, la Coupe du Monde de rugby vient d'achever sa phase de poule. Et nous connaissons les affiches des quarts de finale qui auront lieu samedi et dimanche prochain. Côté vélo, c'était la fin de la saison 2019 qui a tenu toutes ses promesses. On échangera sur les courses du week-end et on décernera notre Oscar au cycliste le plus performant de la saison. De fait, je vous encourage à aller voir sur notre groupe Le Café du Commerce où on a proposé un petit sondage et si vous ne l'avez pas encore rejoint, vous pouvez le rejoindre si vous voulez discuter sport avec des passionnés. Dans le sport montpellier, nous reviendrons avec vous sur les résultats des clubs de la ville comme de coutume avec un focus sur le début de saison et les objectifs du MCVUC qui a entamé sa saison à domicile par un derby face à l'Arago de 7. Enfin, aux alentours de 19h45, grand événement de notre soirée, c'est le retour d'une interview avec le Krebs de Montpellier. On recevra deux heptathlètes, Victoria Binet et Claudine Rau-Gumiel, pour parler de leur discipline, alors qu'on vient d'en terminer avec nos championnats du monde de Doha, qui assurément pour la suite de leur carrière peut les faire rêver. Donc elles nous parleront de leur sport, de leurs résultats, leurs objectifs. Vous verrez sans doute bien des choses. Et puis enfin, je me permets juste, avant d'en venir à nos résultats de la semaine, de préciser également que nous venons de monter, c'est tout nouveau, un partenariat avec un média indépendant que connaît Tariq et auquel il contribue, qui s'appelle Nouvelle Vue. On l'a annoncé via Twitter. On vous encourage à aller voir leurs articles sur leur site nouvellevue.com et à les découvrir sur Twitter. Vous verrez notamment que notre chroniqueur a écrit, je te laisse préciser un petit peu, un article sur Didier Deschamps, c'est bien ça? Oui, puisque le journal L'Équipe a annoncé, ça a été le premier média à annoncer que normalement le sélectionneur national devrait prolonger son contrat jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Donc c'est pas encore officiel, ça devrait l'être ce soir après le match un peu controversé contre la Turquie. Donc il devrait vraisemblablement prolonger jusqu'à la Coupe du Monde pour au moins défendre son titre qu'il a acquis en 2018. On vous invite du coup à découvrir cet article et bien d'autres articles sportifs mais aussi sur d'autres sujets si vous êtes curieux sur nouvellevue.com. Pour conclure l'émission, comme à l'habitude, le quiz, l'agenda montpelliérain, les tips, cette semaine proposés en l'absence de Tim par Guillaume, notre supporter des Reds de Liverpool. Vous verrez ce qu'il vous propose, on laisse le suspense jusqu'à la fin de l'émission. Suspense. Et tout de suite, sans transition, c'est la rubrique résultat de la semaine, format débat. Jingle. Sport & Chill, les résultats. Je vous le disais, ce soir nous allons parler rugby, ensuite nous parlerons cyclisme et puis Tariq reviendra en bref sur le reste de l'actualité sportive. Démarrons avec le rugby. Guillaume, est-ce que nous avons la chance de t'avoir par téléphone à nouveau cette semaine? Surtout que je crois que tu as un bon coup de gueule à nous faire passer. Bonsoir. Et bonsoir à toi Guillaume. Tout va bien du côté d'Amsterdam, prêt à parler et à débriefer rugby ce soir? Ça va, j'ai arrivé à la Fabienne Cancellara ce matin à Paris, mais tout va bien. Bon, écoute, ce sont des choses qui arrivent. Je te laisse embrayer sur cette Coupe du Monde de rugby. C'était, juste pour contextualiser rapidement, je te laisse présenter les choses, la fin de la phase de poule de la Coupe du Monde et une fin de phase de poule qui a été entachée de plusieurs matchs. Nouvelle-Zélande, Italie, Angleterre, France et Canada-Namibie, pour notre plus grand malheur en plus, sachant que c'était les matchs du week-end. De fait, cette Coupe du Monde fait un petit peu discuter tout à coup, n'est-ce pas? C'est ça. Après 3 semaines de compétition, on arrive enfin à la fin des matchs de poule et au match éliminatoire, ceux où on voit les vrais hommes et ceux où on va vraiment s'expliquer et ce qu'ils vont vraiment compter. Alors le problème, c'est que ce dernier week-end, qui devait être un peu l'apogée rugbyistique de cette première phase de Coupe du Monde, était un peu truqué par, on le sait, hein, ce typhon qui est venu frapper le Japon. Et d'un coup, ça soulève la première question que nous voulions parler avec vous aujourd'hui, c'est... cette Coupe du Monde au Japon, en septembre, est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée? Et tout d'abord, je pense que je peux parler pour tout le monde, disant que la décision qui a été prise d'annuler certains matchs au vu des circonstances, elle est bonne. C'est la meilleure qui a été prise au vu des circonstances et on la soutient tous. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Évidemment. Ensuite, je pense que la Coupe du Monde au Japon, c'est une bonne, voire une très très bonne idée dans le développement du rugby et avec ce qui est arrivé aussi en fait ce week-end. Ça montre que ce pays a progressé et que c'est une très bonne idée. Enfin, la dernière partie de la question, c'est en septembre, est-ce une bonne idée? Moi, je pense qu'au vu des événements de ce week-end, on peut dire autre chose qu'une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée d'avoir maintenu cette Coupe du Monde en septembre. On l'a vu avec les matchs annulés ce week-end. Et je vais vous décrire pourquoi et après, j'espère que vous pouvez réagir. Tout d'abord, pour moi, c'est une mauvaise idée pour le respect de ce peuple japonais. On leur demande d'organiser une Coupe du Monde et de moins perturber cet événement sportif dans une période où il y a beaucoup d'autres priorités pour eux, comme la sécurité de leurs citoyens et le deuil de leur perte. Parce qu'il faut le rappeler que c'est pas une petite tempête, et il y a eu plus de 56 morts à la fin sur ce typhon. Donc je pense que c'était un peu irrespectueux de leur demander de continuer et de leur forcer à avoir cette conclusion à ce moment-là. Ensuite, une mauvaise idée pour nous, les supporters. Tout d'abord, ceux qui ont voyagé jusqu'au Japon, afin de voir ces belles rencontres, et qui ont vu leur rêve s'évaporer et remplacé par un trou financier. Ça, c'était vraiment horrible pour eux, je pense. Moi, je sais pas, mais je me vois là-bas aller voir ce crunch ou aller voir un Italien, aller voir l'Italie défier les All Blacks et me dire que non, je reste à la maison, enfermé, pas de match, au but de radio top 14. Merci. Enfin, je veux dire, pour moi-même, hein, je parle personnellement, si ça fait toutes ces purges pendant 3 semaines pour qu'on m'enlève 2 matchs potables qui croustillent, je le dis franchement, ça m'emmerde. Enfin, c'est une mauvaise idée pour les diffuseurs. Quelle image commerciale renvoie le rugby après une telle annulation? Je pense par exemple à TF1 qui se retrouve déjà en difficulté financière cet événement après l'échec de la revente de certains matchs. Il faut savoir qu'ils voulaient pas rediffuser tous les matchs, ils voulaient revendre une partie de certains matchs, notamment par exemple à Canal+, ou Bein Sport ou RMC Sport, mais personne n'a voulu racheter les matchs, donc c'est déjà en difficulté. Et maintenant, après cet événement, nous on leur annule les matchs. Je pense qu'ils y réfléchiront à 2 fois avant de remettre la main à la poche, et le chèque final pourra s'en ressentir. Rendez-vous en 2023 pour voir ça. Et enfin, le pire, pour moi, c'est une mauvaise idée pour le respect des joueurs, de ces joueurs qui sont sur le terrain, qui ont tant donné pour leur sport, pour leur pays. Et je parle plus particulièrement des Italiens, que vraiment, je ne peux pas me blairer. Mais à la fin, pour voir Sergio Parisse, après tout ce qu'il a donné pour ce sport, franchement, ne pas jouer son dernier match contre les All Blacks, ça me pète les burnes. Pareil pour Giraldini. Combien je sais que c'est dur de revenir des ligaments croisés. Ce mec s'est fait les croisés il y a 9 mois, il a travaillé pour un seul objectif, c'est finir sa carrière internationale face aux Blacks au dernier match de la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'on leur a fait? Ces deux mecs-là, à l'image des 3 équipes qui ont fini leur Coupe du Monde comme ça, on leur a enlevé le rêve toute une vie de rugbyman, qui est joué aux Blacks en Coupe du Monde. Et enfin, on leur a aussi disqualifié de cette Coupe du Monde, parce qu'il faut le rappeler. Même si l'expo est difficile, l'expo est toujours possible, et il est toujours en possibilité de qualifier. Je trouve ça dégueulasse, amateur et irrespectueux. Enfin, voilà. Moi, je voulais voir un peu autour de vous. Qu'est-ce que vous pensiez de ça? Pour moi, les 3 questions principales sont la décision, on est d'accord, c'était la bonne de l'annuler. cette Coupe du Monde au Japon, pour vous, c'est une bonne idée ? Est-ce que justement, toi, Corentin, tu aurais un avis sur cet événement ? Toi qui suis habituellement d'autres sports, hein, notamment le football, on sait que voilà, cette décision a fait discuter, le règlement lui-même aussi d'annuler les matchs et de ne pas forcément les reporter, et puis qu'on est sur plusieurs échecs quand même dans l'organisation, on pourra le revenir peut-être plus tard dans le cadre de l'interview sur l'athlétisme, d'organisation d'événements sportifs. Ce qui est intéressant dans ce que dit Guillaume, c'est la difficulté dans le développement du rugby. On en reparlera peut-être après, mais ce qui est intelligent à la base dans cette Coupe du Monde, c'est miser sur le Japon, qui est une des rares nations, petites nations, qui a réussi à émerger dans les dernières années. Et le problème du rugby, c'est qu'ils ont vraiment cette volonté de développer un sport à l'international, et on est un peu bloqué avec quelques grandes nations. Et donc la grande question du rugby, c'est comment se développer, comment faire de ce sport un sport majeur à l'international, puisqu'on a quoi 8 nations qui jouent au rugby à fond, et ce qui est problématique, c'est que j'ai l'impression que la Fédération Internationale de Rugby est un peu dans une impasse, globalement le rugby a du mal à se développer, et ce que dit Guillaume sur les droits TV est vraiment inquiétant. Ne pas réussir à revendre des matchs, ça prouve un désintérêt, même en France, qui est une nation majeure, alors j'imagine pas en Espagne ou en Allemagne ce que ça donne. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment une nécessité de réfléchir au sein de la Fédération Internationale sur, mais je pense que c'est quand même un enjeu qui est récurrent, mais sur comment développer ce sport en Europe et à travers le monde. Notre second Guillaume, peut-être un avis sur cette question. Ouais, la Coupe du Monde au Japon, c'est une très bonne idée. Je pense pas que les aléas climatiques, ça doit être un frein. Et on ne doit pas se poser la question, ouais, est-ce qu'on joue en septembre parce qu'il va y avoir des typhons. Ils ne sont pas posés la question pour les JO. D'ailleurs, bon, c'est peut-être aussi inquiétant pour les JO l'année prochaine, pour les épreuves à l'extérieur. Mais, même si ce n'est pas la même époque. Oui, mais c'est les typhons, c'est de juillet à octobre, donc ce sera... Ce sera dans, voilà, dans la période. Voilà. Ouais. Moi, je pense que le gouverner, c'est prévoir. Et c'est une célèbre maxime. Tu sais que tu as une chance sur une qu'il y ait un typhon sur le mois et demi de compétition. Tu le sais qu'il va y être. Anticipe, tu dis, bon, ben, France-Angleterre, c'est à Tokyo. On prévoit un stade B à 600 km à l'ouest. C'est pas compliqué. Après, là, il y a eu un typhon énorme et la France n'était pas le seul match, et les délais, c'est vrai que pour déménager toute une logistique à 3 jours d'un match, bon, ça peut être compliqué. Il y a les télés, il y a les arbitres, il y a tout ça, ça peut être compliqué, mais ça doit être fait bien avant la compétition. Et enfin, sur l'image du rugby mondial, bon, évidemment, elle est désastreuse. Sur la compétition, les Italiens, en effet, je pense qu'ils peuvent demander des réparations. Je pense qu'au TAS, ça passe. Et concernant les diffuseurs, je suis pas trop d'accord avec vous. Je pense que TF1, ils sont contents quand même de faire sur des cases anonymes pour eux. Genre sur TMC, je pense qu'ils font jamais 500 000 téléspectateurs à 9h du matin. Ouais, c'est parce que c'est tombé sur une bonne horaire pour eux. Si c'était tombé à 18h, ça se trouve, il y aurait eu beaucoup de matchs qui n'auraient pas été diffusés. Peut-être, mais c'est aussi pour ça qu'il n'y a personne qui s'est battu. Parce que mettre un Namibie-Canada à 5h15 du matin sur une chaîne payante, c'est pas rentable. Non, c'est sûr. Et enfin, vous inquiétez pas pour 2023, c'est en France, il y aura des diffuseurs et en gratuit, vous inquiétez pas. Plus brièvement, pour qu'on puisse évoquer avec Guillaume les deux autres questions qui nous occuperont moins de temps, une réaction, Tariq, sur ce sujet. Moi, je rejoins tout à fait Guillaume, hein, pour ce qu'il a dit. Moi, le seul bémol, c'est un peu ce que j'avais dit au championnat du monde, c'est que pour un sport comme le foot, qui vend beaucoup, on peut faire d'énormes concessions. On a bien vu la Coupe du Monde depuis qu'elle existe. Je crois que ça se joue toujours en juin. Bah, en 2022, on l'a mis en décembre parce qu'on est dans un pays où on ne peut pas jouer pendant l'été. Ça revient un peu aussi avec les diffuseurs, puisque le foot, c'est des droits TV, on va dire, exorbitants, etc. Genre, ils vont perdre beaucoup. Alors que le rugby... C'est pas bien déjà pour le développement du sport, puisqu'il y a eu, on a bien vu que presque aucune chaîne ne veut diffuser, peut-être mis à part, heureusement que c'est TF1 qui est une chaîne un peu accessible à tout le monde, que c'est pas sur une chaîne privée, mais je trouve qu'ils auraient pu faire l'effort. Des fois on peut adapter on va dire la période par rapport au pays. Demain, si tu fais une coupe du monde de rugby au Qatar, tu seras obligé de la faire en décembre, tu la feras pas en juin ou en juillet. Il faut essayer d'adapter comme ils ont fait avec le foot, avec les autres sports. Après, pour le pour le bien du sport, hein, je veux dire, évidemment. Oui, pour le bien du sport, effectivement. En tout cas, il y a des bonnes questions à se poser par rapport à la tenue de cet événement. On vous laissera réagir hein, si vous le souhaitez et avec éventuellement des articles complémentaires à partager sur notre groupe Facebook. Je laisse Guillaume peut-être reprendre la parole. Dernier élément, et on avait proposé un sondage, Tariq en l'occurrence sur Twitter, oui. Et 70% des gens, mais c'est pas une surprise il me semble, et tout à fait normal, considèrent que l'élimination de l'Italie est injuste, même si l'exploit était loin, mais d'un point de vue éthique par rapport au sport, et en plus quand on pense à un personnage comme tu citais Guillaume, comme Sergio Parisi ou même Ghiraldini, c'est fort dommageable. Très rapidement, on réagira en 10-20 secondes, et peut-être pas tous, hein, peut-être sur la dernière question on réagira, mais pas forcément sur la deuxième. Guillaume, on voulait dire un petit mot des petites sélections, si je peux me permettre de les appeler ainsi, qui nous ont bien fait vibrer malgré tout au cours de cette compétition et qu'on n'aura pas le plaisir de revoir, bien sûr, en quart de finale, c'est le jeu. Alors, je pense qu'il est bon de faire des déceptions et des réussites, parce qu'il y en a eu. Et je voudrais recommencer par une déception, car seulement ça fait mal, c'est la Géorgie. Je savais que ce serait compliqué, je l'avais annoncé. Mais en regardant les matchs, au final, il y avait la place de faire quelque chose. Mais on a réussi à trouver un sélectionneur qui a réussi à détruire la mêlée et la touche géorgienne, qui était ultra dominatrice jusqu'à présent. Ils se sont fait concasser en mêlée, ridiculiser en touche. Et il a réussi à limiter les avants à deux passes. C'est une grosse déception pour moi parce qu'il y avait la place au final. Je pensais que c'était dur, mais il y avait la place. Les Gallois se fait trouver sur des premiers temps de jeu. Et enfin, les Australiens, on les tient jusqu'à la 70e minute. Donc c'est dommage, donc ça c'est ma première déception. Ensuite les Fidji, hein, bien sûr, qui perdent leur match contre l'Uruguay, sorti nulle part. Par contre pour les réussites, bien sûr big up au Japon, mais maintenant en fait est-ce qu'on considère le Japon comme une petite nation? Je pense pas. Exactement. Et je serais focusé sur l'Uruguay, qui sans conteste était la plus belle réussite de cette petite nation. Leur victoire face aux Fidjiens, malgré, je le tiens à annoncer, une équipe Fidji Peace, faite de pipe de première classe fidjienne, restera dans l'histoire des Los Terros et des exploits de cette Coupe du Monde, et c'est ce qui nous fait encore plus regretter l'Italie-Nouvelle-Zélande. Enfin, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu le match Namibie-Canada, parce que j'aurais bien les Namibiens peut-être taper les Canadiens pour leur première victoire en Coupe du Monde. Dommage. De même. Mais big up aux Los Terros, qui ont su nous montrer ces valeurs du rugby dont tout le monde parle. Heureusement qu'ils sont là pour nous faire bander. Et ce week-end, c'était encore le cas contre les Gallois. Gallois qui avaient fait tourner en partie leur effectif, mais où les Uruguayens ont aussi fait une belle partie que j'ai eu le plaisir de voir. Est-ce que vous avez justement une petite réaction sur ces petites sélections, l'un ou plusieurs d'entre vous? S'il y avait une sélection à retenir, justement, ce serait l'Uruguay sur cette première phase pour son panache, pour leur performance quand même contre les Fidjiens, avec notamment ce petit demi d'ouverture, Berkezi, que j'ai trouvé intéressant, mais il faudrait pas en citer qu'un, justement, c'est un collectif qui a su faire front, comme le font souvent ces Sud-Américains avec leur grinta si particulière. Ouais, mais l'Uruguay, ouais, tu sors l'Uruguay de toutes ces petites équipes entre la 12e et la 20e place mondiale, mais moi j'en ai parlé sur le groupe Facebook, moi je milite pour une Coupe du Monde à 16, c'est pas possible d'avoir des matchs aussi déséquilibré, il n'y a eu que 4 matchs avec moins de 5 points d'écart. Des 61-0, des 71-3, non, c'est pas possible. Alors, je veux bien que le rugby se développe, mais bon, à un moment, c'est pour la publicité, pour faire venir des gens devant la télé, c'est non. Ouais, mais dans ce cas-là, comment tu développes justement le casse-tête est vraiment. Moi, je suis pas dirigeant de World Rugby. Hein. Non, mais ouais, mais tu peux réfléchir à une alternative. Tu peux pas dire comme ça, on passe à 16. Voilà, tu peux faire une Coupe du Monde un peu. Une Coupe du Monde B, quand tu la gagnes, tu peux accéder à la Coupe du Monde. Comme la Ligue des Nations, manière, en football, où tu as plusieurs poules. C'est pas possible. 4 matchs sur 30 qui ont l'intérêt. Ça pourra nous occuper sur tout un sujet, il me semble. Oui, Guillaume. Pour revenir sur ça, sur les moins de 20, il y a deux Coupes du Monde sur deux niveaux et il y a un peu moins de différence de niveau, c'est vrai. Voilà. Après, ce sera notre débat, je dirais. Il faut offrir une chance à ces petites nations de jouer contre des nations plus élevées, c'est sûr. Est-ce que la Coupe du Monde, c'est le meilleur étalage? Après, de l'autre côté, réduire à ses équipes, déjà, on est frustré par le manque de matchs. Ça ne ferait pas beaucoup de matchs sur la Coupe du Monde. C'est un débat qu'on peut faire à la fin de cette Coupe du Monde, je suis d'accord avec toi. Mais sinon sur les équipes, sur votre réussite et déception, rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? L'Uruguay est vraiment réussite sur cette équipe? Très rapidement, justement, si vous deviez retenir une équipe parmi ces équipes qui ne sont pas qualifiées en quart de finale. Juste laquelle, pour qu'on puisse dire un petit mot rapidement des quarts de finale et de la perspective pour notre équipe de France, mais pareil, ce sera en 10 secondes, et qu'on puisse ensuite passer au reste de l'actu. Si vous deviez retenir une équipe éliminée de cette Coupe du Monde, mais qui vous a fait plaisir, Corentin? Bah, en termes de niveau, l'Italie, je pense. Hein. Enfin, ouais, l'Italie. Je vois pas de... Enfin, l'Écosse, non. L'Italie pour Corentin, Tariq, s'il fallait en retenir une, même si tu es un suiveur de loin, qui t'a marqué dans les médias? J'irais l'Italie, juste parce que les pauvres, ils n'ont pas eu la chance de se défendre, en fait, pour le match. Ils ont fait le boulot, ils ont gagné leurs deux matchs qu'ils devaient gagner avec bonus pour se qualifier pour 2023. Ouais, l'Italie. Finalement, en réussite ou en déception, l'Italie, l'Uruguay, les Fidji, la Géorgie, ce seront les équipes qu'on aura évoquées et qu'on attendait, hein, notamment italiens, fidjiens et géorgiens, et l'Uruguay, la bonne surprise. Guillaume, très rapidement, un rappel des affiches du tableau final, et puis notre équipe de France, fais-nous nous positionner. Bon, enfin, on rappelle qu'il y a le plus gros match qui sera à voir, ça sera l'Irlande. Il y aura deux beaux matchs, il y aura Irlande-Nouvelle-Zélande et Australie-Angleterre. Ça va être très sympa à regarder. Ensuite, donc Pays de Galles-France, est-ce qu'on a une chance de gagner? On va pas y aller par quatre chemins. Pour moi, oui, on peut gagner, mais on n'est pas favori. Si on gagne, c'est pas avec le jeu, c'est avec les coronas. On en parlera plus via les réseaux sociaux. Juste, je vais être très dur. Oui ou non, a-t-on une chance de battre les Gallois, Corentin? Oui. Oui pour Corentin. Tariq? Oui. Guillaume? Une chance, oui. Eh bien, écoutez, nous voilà optimistes, finalement. Guillaume, je ne sais pas si tu avais un dernier mot à dire. Je te laisse conclure. On n'a pas, et tu l'avais prévu, hein, d'avance, le temps de plus développer sur ces sujets. Il faut nous donner du temps pour les autres sports et ensuite réaliser notre belle interview avec le Krebs. Parlons cyclisme, c'est tout intéressant, mais je sais que tu vas faire une petite ode à Alejandro Valverde. Forcément, à un moment donné, ça arrivera. Je ne sais pas si tu souhaitais rester juste sur la rubrique cyclisme. Je vais vous laisser pour que vous ayez plus vite. Voilà, je n'osais pas te le proposer, mais en tout cas, je pense que ta tirade sur la Coupe du Monde de rugby en début d'émission restera dans les annales de l'émission, un grand moment, assurément. On te souhaite une bonne soirée, n'hésite pas à continuer à nous suivre et à réagir, et suivant tes remarques, on les intégrera à l'émission. Bonne soirée à toi. Bonne chance pour le quiz. Et oui, le quiz, bien sûr, proposé encore une fois par Guillaume. J'en passe au cyclisme, où on va faire un petit peu plus court, mais effectivement, la Coupe du Monde de rugby déchaîne les passions, et on est à un moment clé du passage des phases de poule au quart de finale. Mais c'était la fin de la saison de cyclisme ce week-end. Pas tout à fait, si on regarde vraiment le calendrier, mais il me semble qu'on aura vraiment vécu tous les grands événements avec le dernier monument de la saison. Les monuments, on vous l'a dit, ce sont à maintes reprises dans Sport & Chill, ce sont les 5 grandes classiques de la saison qui sont à retenir comme les grands moments de l'année cycliste, avec les 3 grands tours, Tour de France, Tour d'Espagne, Tour d'Italie et les championnats du monde. Nous avons Milan-San Remo, on démarre avec une classique italienne au printemps, on enchaîne avec le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, et on finit donc avec le Tour de Lombardie. Et Tour de Lombardie qui a sacré ce week-end, dimanche, Bock Mollema, le néerlandais, surprise du sorti du chapeau ou non, on peut se poser la question. En tout cas, un vainqueur plein d'abnégation qui a fait des performances sur des classements généraux qu'on attend toujours pour réaliser des victoires importantes, et qui a su attaquer au moment opportun à 18 km de l'arrivée et piéger l'ensemble des ténors qui se sont tenus finalement dans un mouchoir de poche avec Egan Bernal, Primoz Roglic, finalement légèrement en dessous peut-être par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'eux sur cette course. Des Français à l'attaque, Pierre Latour et David Gaudu, mais ça n'aura pas suffi. Et Alejandro Valverde, si on me permet de le dire, je le dis, mais surtout que je pense qu'on peut lui tirer quand même un coup de chapeau. Il termine deuxième de cette course, et parmi les ténors, ça a été le plus offensif. Mais en tout cas, Bock Mollema remporte cette course de fort belle manière. Est-ce que le scénario de la course a satisfait vos espérances, ou est-ce que vous sortez un petit peu déçu? Guillaume, peut-être. Le problème du cyclisme actuel, c'est que c'est des courses qui se jouent dans les 30 derniers kilomètres. Donc si tu prends les 30 derniers kilomètres, oui, c'était une belle course. Bock Mollema, moi je l'attendais pas du tout. Tu dois le mettre dans les outsiders en début de course, parce que c'est un coureur complet sur ce terrain, et qui a, selon les circonstances de course, il peut aller chercher une place, voire donc la victoire. Ce que je constate surtout, c'est que le Tour de Lombardie devient de plus en plus une course pour les grimpeurs et oui. De moins en moins pour les punchers. On a vu Thibaut Pinot l'an dernier l'a gagné. Ou alors, on peut voir les choses autrement, est-ce qu'il y a de plus en plus de grimpeurs qui sont punchers et qui peuvent passer ce genre d'épreuve? Parce que le Lombardie, c'est pas mal de cols très difficiles. Alors, j'ai plus les noms, mais il y en a un sur 3 km, c'est à 18% de moyenne. Ça, par exemple, il y a quelques années, je pense pas que des grimpeurs l'a passé en tête et démarré là. Et même les grimpeurs ne venaient pas sur le Lombardie. Oui, sur la course, il y a eu une belle course, un beau final. Avec une chasse sur Bokemolema qui... Bon, je pense qu'ils n'auraient jamais pu rentrer. Mais le groupe de favoris avec Roglic, tout ça, n'aurait jamais pu rentrer. Mais il y a eu quand même un suspense. Avec le groupe donc à 20, 30 secondes, même 40 de Mollema. Et qui échoue finalement à 16 secondes. Et qui échoue à 16 secondes, mais bon, il a ralenti sur la fin, c'est compréhensible. Bien sûr, pour savourer. Et je note aussi le désarroi de Vincenzo Nibali, qui a été très très vite lâché dans le Siviglio, à plusieurs dizaines de kilomètres de l'arrivée. Et ouais, c'était l'image marquante, on le voyait carrément à l'agonie sur les images. Lui qui est un grand homme de l'histoire du Tour de Lombardie. Et aussi, on peut noter qu'il n'y a pas d'Italien avant la 17e place. Et ce qui est assez rare, c'est la première fois depuis, j'ai vu une stat, c'est la première fois depuis un long moment. Depuis un long moment, Corentin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de jeter un œil à cette course ou du moins à son résultat. Et finalement, moi, justement, si j'avais un commentaire, je ne sais pas ton avis, mais on a pu regretter ou certains pensaient de voir un peu des noms sortis du chapeau sur le final des championnats du monde. Là, pour le moins, on a un top 10 où il n'y a que des grands noms. En effet, j'ai regardé un peu le résultat, j'ai regardé un résumé de la course, mais ce qui m'a intéressé en fait, c'est Bokemolema qu'on connaît tous, puisque très couramment en fait au Tour de France, on entend Bokemolema lâcher. En fait, pour moi, ça a toujours été le favori lâché au Tour de France, tu vois. Il fait un exploit sur un tour sur trois. Ouais, et encore. Il va gagner. J'ai regardé, il a dû gagner une étape au Tour de France. Ouais, deux, je crois. Ouais, et le mec a un palmarès qui est quasiment vierge en finale. J'ai regardé, il a eu une classique Saint-Sébastien, il n'a pas grand chose. Et ça vient couronner un peu sa carrière. Il a quand même 32 ans. Et puis, enfin, je sais pas, j'ai eu de la sympathie pour ce coureur que j'entends souvent lâcher. Bah, il est pas beau à voir courir. Enfin, il se dandine sur le vélo. Il est, t'as l'impression qu'il est tout le temps, même à 2% de moyenne, il est au rupteur. Mais ouais, en effet, ça couronne d'une carrière, gagner le Lombardie. Ouais, voilà. C'était une grande émotion, ça se voyait pour lui à l'arrivée, et il y a de quoi. Un peu comme Thibaut Pinot d'ailleurs l'an dernier. Quoi. Puis pour lui, podium royal, c'est vrai, devant Valverde, Bernal, c'est pas un petit succès. Il a su être opportuniste, et puis pour l'équipe Trek-Segafredo, c'est assez exceptionnel. Alors, c'est pas une course en équipe, les championnats du monde, j'allais venir sur les championnats du monde, mais c'est un de leurs coureurs, Mats Pedersen, le Danois, qui l'emporte. Il termine avec la victoire sur le Lombardie, une équipe qui gagne pas très souvent, mais qui a fait très fort sur la fin d'année, et qui pourra se satisfaire d'avoir le maillot de champion du monde la saison prochaine. Sachant que sur la course justement du championnat du monde, ils avaient tous les vestes avec les marques. Puisque en fait, il n'y avait pas les blousons au nom des nations, du coup, ils avaient les marques. Ouais. Donc ça leur a fait quand même un coup de pub. Sponsor très content. Un autre événement dont je voulais parler, mais on n'en parlera pas ce soir, parce que je préfère qu'on se concentre sur, en tout cas dans le détail, je préfère qu'on se concentre sur ma question plus générale que j'avais posée sur le groupe Le Café du Commerce. Seulement préciser que Yele Wallace a remporté la dernière classique de la saison Paris-Tour qui avait lieu dimanche. Deuxième classique des Feuilles Mortes, les deux classiques italiennes et françaises. Ont le même surnom, je me rappelle qu'on avait parlé l'année dernière. Classique qui a pu faire discuter avec l'incorporation des chemins de ville depuis l'année dernière. Ça peut être un sujet aussi dans nos discussions sur les réseaux sociaux où notamment Lefebvre, le patron de l'équipe de Quenin Quickstep qui gagne tant de courses, l'équipe de Julien Alaphilippe, avait déclaré dès l'année dernière « Cela n'a rien à faire dans une course sur route, même si on gagne ». Et l'un de ses coureurs d'ailleurs avait fait deuxième, Niki Terpstra, la saison dernière, qui court maintenant dans l'équipe française Direct Energy. C'est la dernière fois que nous participons à cette course. Il a d'ailleurs décidé de retirer son équipe de la course cette année. Donc une course française qui fait discuter entre son ancien et son nouveau parcours. C'était un des sujets qu'on aurait pu aborder ce soir, mais je préfère nous concentrer sur le dernier sujet avant notre actu en bref, qui est celle du trophée individuel décerné en fin de saison, qui passe souvent dans l'anonymat, mais comme on l'a dans de multiples sports, c'est l'équivalent du ballon d'or au football, c'est le vélo d'or qui va être décerné d'ici à quelques jours. Nous avons 12 prétendants pour ce vélo d'or: Julian Alaphilippe, Primoz Roglic, Jakob Fuglsang, Philippe Gilbert, Egan Bernal, Mats Pedersen, Richard Carapaz, Elia Viviani, Caleb Ewan, Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel et une cycliste, parce qu'il n'y a pas de trophée féminin pour le moment, et elles sont incorporées directement dans ce classement. Annemiek van Vleuten, qui a eu 8 victoires cette saison, dans les championnats du monde, le Tour d'Italie, Liège-Bastogne-Liège, les Strade Bianche, exceptionnel. Si on devait retenir 3 coureurs, il me semble que ce sont, sur la saison, Roglic, Bernal, Alaphilippe. Est-ce que, pour vous, l'un des 3 mérite le plus le trophée? Moi, j'hésitais entre Roglic et Bernal, en fait. Alaphilippe fait une saison vraiment costaud, mais il n'a pas de grand tour à son palmarès. Ni de monument. Si. Oui, bah, si. Il a un monument, par contre. Milan-San Remo. Oui, Milan-San Remo. Donc, ouais, je me serais plutôt orienté vers soit Roglic, soit Bernal. Et après, moi, venant d'une culture footballistique, je me disais que peut-être que Bernal était un poil jeune. Souvent, comme on a pu voir avec Mbappé, tu gagnes la Coupe du Monde, mais comme t'es jeune, en général, on te le donne pas. Mais à la fois, quand tu vois tout ce qu'il a gagné cette saison, c'est quand même compliqué de pas le donner à Bernal. Donc en fait, je m'orienterai vers Bernal. Après, peut-être que le raccourci vainqueur du Tour de France, meilleur coureur de la saison, est peut-être trop facile. Même s'il remporte le Tour de Suisse et Paris Nice. Le Tour de Piémont aussi. Enfin, on fait un paquet, quoi. J'ai fait un peu les comparatifs sur la saison et tu vois en fait que Bernal, il me paraît au-dessus. Guillaume, si tu devais trancher. Ouais, Bernal aussi, pour moi, même si j'aime bien l'homme, il donne envie d'être aimé, tu vois, tu le regardes, t'as envie de le prendre dans tes bras, mais il appartient pas à la bonne équipe, quoi, c'est terrible. Je t'attendais, tiens. Donc, oui, sur les résultats, et objectivement, tu dois mettre Bernal. Roglic, j'aime pas trop sa façon de courir, et... Bah oui, c'est subjectif. Je le mettrai pas, enfin, je le mets dans les 3, oui, évidemment, parce qu'il gagne... Il gagne à peu près toutes les courses où il est passé. Mais ouais, Bernal, Roglic, t'es obligé de mettre Alaphilippe parce que 14 jours en jaune, vainqueur d'un contre-la-montre, vainqueur... Ouais, mais c'est en dessous. La troisième place sur le podium, il me semble. Mais sur notre groupe, il récupère beaucoup de votes. Parce et c'est vrai qu'il est français. Il est français, puis sa saison est quand même assez exceptionnelle. Puis c'est le mec qu'on a envie de voir courir, qui part à 30 bornes de l'arrivée, qui va faire un raid solitaire. Même s'il est évidemment il est français, donc ça joue, mais pour tous les c'est deux, le vélo que j'aime, quoi. À trancher sans le cœur, ce serait Egan Bernal. Ouais. Pour Tariq, s'il y en avait un à retenir, je sais pas si tu as eu un peu un œil sur les statistiques. Puis après, il y a un peu de feeling, disons. Oui, alors là, je vais te dire, je dis ça parce que j'ai lu un article sur lui, c'était sur Nouvelle Vue. Bah, c'était Julien Alaphilippe. J'ai lu un bon article sur lui, donc je dirais. Julien Alaphilippe, après. Mais t'as raison. mais tu as raison. Et puis il faut un peu de chauvinisme. je vais me faire l'avocat du diable, ou en tout cas du troisième homme. Pour moi, mais dans un mouchoir de poche, on a eu vraiment 3 coureurs qui ont marqué cette saison et de fort belle manière. 3 coureurs au profil différent. Et c'est pas celui dont le profil me plaît le plus, mais Primoz Roglic, qui ressort d'ailleurs pour le moment sur notre sondage. Je suivrai ça d'ici à la fin de l'émission pour donner le résultat final. J'ai donné les victoires principales de Egan Bernal, Julien Alaphilippe. Donc c'était 12 victoires, dont Milan-San Remo, la Flèche Wallonne, l'Estrade Bianche, 2 étapes du Tour de France et 5e du Général. Donc au-delà du fait qu'il est français, il a de quoi le mériter, avec en plus son maillot jaune pendant 14 jours. Primoz Roglic, c'est 13 victoires, dont le Tour d'Espagne et une étape, le Tour de Romandie, Tirreno-Adriatico, le Tour des Émirats Arabes Unis, 3e du Tour d'Italie et 2 étapes, et victoire du Tour d'Émilie. Ça me paraît grandiose, et c'est le numéro 1 mondial actuel. Donc il y aurait aussi une forme de logique, même si on peut dire qu'il serait simple de lui décerner seulement parce que c'est le numéro 1 mondial. Je laisse Tariq passer sur l'actu en bref. Nous avions plusieurs sports dont nous n'avons pas parlé ce soir, mais on voulait en toucher un petit mot. Oui, le week-end a été très riche. Donc on va commencer par de la Formule 1, le Grand Prix du Japon. Mercedes a gagné à Suzuka pour la 6e fois de suite dimanche et s'est assuré de finir la saison avec un 6e doublé pilote constructeur de suite au championnat. 6 était le chiffre de Mercedes dimanche à Suzuka, 6 comme le nombre de coupes des constructeurs désormais dans la vitrine des trophées de la firme à l'étoile, 6 comme l'autre série qu'elle est assurée de perpétuer au championnat du monde des pilotes puisqu'elle a éliminé à l'arrivée du Grand Prix du Japon tous les rivaux de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas dans la course à la consécration. Passons au tennis, le russe Daniil Medvedev, numéro 4 mondial, a pris le meilleur sur Alexander Zverev, numéro 6 mondial, en finale à Shanghai, 6-4-6-1. Il remporte le 7e titre de sa carrière, le 2e en Master 1000, après Cincinnati cet été. Alizé Cornet, blessée à la jambe droite à Linz, a déclaré forfait pour le tournoi du Luxembourg, mais elle est optimiste pour la finale de la Fed Cup entre le 9 et le 10 novembre. Le marathonien prodige Eliud Kipchoge s'est lancé samedi 12 octobre à Vienne pour battre une des dernières barrières mythiques du sport, courir 42 km en moins de 2 heures. Il a réussi l'exploit, bouclant son parcours, en 1h 59 minutes et 40 secondes, soit quasiment 2 minutes de moins que son record du monde, 2h 1 minute, établi dans des conditions homologuées à Berlin en 2018. Passons au surf. Historique, jamais un Français n'avait imposé sa loi à la maison à l'occasion de l'unique manche française du championnat du monde de surf, organisée sur la côte landaise depuis 1994. C'est désormais chose faite grâce à Jérémy Flores, le réunionnais de 31 ans a brillé de mille feux pour remporter le Quicksilver Pro France vendredi à Hossegor. C'est sa 4e victoire sur le circuit professionnel et elle est précieuse dans l'optique des Jeux Olympiques. À 22 ans, la quadruple championne olympique en titre vient d'être sacrée à la poutre. La gymnaste américaine Simone Biles s'est emparée seule du record de médailles mondiales pour un ou une gymnaste en s'offrant sa 24e récompense dimanche 13 octobre à Stuttgart en Allemagne. Elle compte désormais 18 médailles d'or mondiales, 3 en argent et 3 en bronze. Ça va. Pour finir, un mot de l'équipe de France de football qui a réussi à ramener une importante victoire en Islande, 1-0 sur un but du contre toujours critiqué Olivier Giroud sur penalty. Les Bleus jouent leur qualification ce soir face à la Turquie à 20h45 au Stade de France. Donc si l'équipe de France gagne, ils seront qualifiés pour l'Euro 2020. Avec Ben Yedder ce soir, titulaire à la place de Giroud. Ben Yedder, titulaire à la place de Giroud, c'est l'information en exclu de Sport & Chill, bien sûr. On passe tout de suite au Sport Montpellierain. Sport & Chill, le Sport Montpellierain. Le Sport Montpellierain, avec dans l'actualité sportive à Montpellier, un bilan mitigé cette semaine pour nos équipes locales par rapport aux dernières semaines, avec 4 victoires, 2 nuls pour 3 défaites, donc presque un bilan à l'équilibre. Tout d'abord, démarrons avec les réjouissances, en grande partie on peut le dire quand même, le MHB, auteur d'un match nul et d'une victoire cette semaine. Tout d'abord, pour le compte de la 6e journée de Lidl Star League, le Montpellier Handball a concédé un match nul sur le parquet des Varois de Saint-Raphaël, 29 partout, à l'issue d'un Money Time qui aura vu un chassé-croisé entre les deux formations. Yanis Lane arrache l'égalisation en toute fin de match pour Montpellier. Le MHB est 4e du championnat, derrière un trio PSG, Nantes, Aix-en-Provence, dominé par les Parisiens, auteur de 6 victoires en 6 matchs et qui sont bien partis à la poursuite du titre de champion de France. Mais la perf de la semaine, le MHB nous l'a réservé pour ce week-end et un déplacement périlleux samedi à Kielce en Pologne. Montpellier a remporté un nouveau succès de prestige en Ligue des Champions 29-27, 15 jours après avoir dominé les Hongrois de Veszprém. Pourtant diminué en l'absence de Jonas Trukanovicius, Melvin Richardson, Diego Simonet, Gilberto Duarte, tous blessés, le MHB a enchaîné un 3e succès en 4 journées pour grimper au 2e rang du groupe B, une longueur derrière le leader Kiel qui a signé une démonstration de force sur le parquet du Vardar Skopje, champion d'Europe en titre, 31-20. On ne réagit pas ce soir sur le MHB, on préfère se concentrer sur le club de volley qui est l'occasion de notre focus. Nous y venons dans quelques minutes, mais le MHB donc a réalisé un authentique, pas exploit, mais une authentique performance de qualité face à cette formation de Kielce et qu'on espère parviendra à un nouvel exploit, et celui-ci ce serait vraiment un exploit au vu de la dynamique contre Kiel le week-end prochain. On passe au MHR. Après avoir chuté à Clermont la semaine passée, les hommes de Xavier Garbajosa ont été défaits cette fois-ci sur la pelouse de Jean Daugé par l'Aviron Bayonnais qui enchaîne une quatrième victoire consécutive 28-24. Le MHR recule à la 10e place du top 14 avec 13 points à 1 point du top 6. Prochain club dont je voulais vous parler ce soir, le MRC, les féminines, pour le compte de la 4e journée d'élite féminine, les coccinelles du MHR féminin se sont imposées dans un duel face à l'une des meilleures équipes de la poule 1, l'AS Bayonne. Les joueuses montpelliéraines l'ont emporté sur le score de 29-14 avec un bonus offensif et 4 essais à la clé marqués par Gaël Mignot, Fantine Basice, Marine Ventournout et Caroline Boujard. Le MRC domine la poule 1 de la tête et des épaules devant Bobigny et le Stade Français avec 20 points pris en 4 matchs, tout simplement remarquable. Le BLMA, le focus de la semaine passée, était dédié à nos basketteuses latoises, et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos latoises sont en grande forme en ce début de saison et nous ont fait plaisir. Elles enchaînent les grandes performances, il y avait 2 matchs de LFB cette semaine, et le BLMA est invaincu et prend la tête du championnat avec l'équipe de Roche-Vendée, vainqueur pour le coup à domicile du promu Charnay. Victoire donc mercredi tout d'abord face à Nantes-Rezé à l'extérieur sur son parquet avec une victoire nette et sans bavure sur le score de 98-64. Enfin samedi à domicile dans le choc de la LFB entre les deux finalistes de la saison dernière et pour les retrouvailles avec une ancienne joueuse Elena Siak transférée à Lyon cet été, c'est l'ATS Montpellier qui s'est imposé face à l'ASVEL féminin de Tony Parker 72-58. À domicile, les latoises ont fait la différence à partir du second quart-temps et n'ont fait qu'accentuer leur avantage au fil du match pour une victoire méritée pour les hommes, pour les femmes, pardon, de Thibaut Petit. Grand match donc pour nos latoises qui sont en tête du championnat. Le MHSC féminin, dans le cadre de la 5e journée de D1, les Montpelliéraines ont perdu des points précieux à l'extérieur dans la course au podium pour espérer contester l'hégémonie des féminines de l'OL et du PSG en concédant un match nul un partout à Soyaux. L'internationale montpelliéraine Elisa De Almeida n'a pu éviter l'ouverture du score des joueuses de Soyaux dès la 2e minute de jeu avant que Sarah Puntingham égalise pour les Payadines du MHSC à la 45e minute de jeu. Après 5 journées, Montpellier est 3e du championnat avec 10 points derrière Lyon et Paris qui partagent la tête de la D1 féminine avec 15 points. Enfin, dernier club, le Montpellier Vipers est malheureusement en championnat. Les semaines se suivent et se ressemblent. Nouvelle défaite, la victoire en Coupe de France n'aura pas suffi à remettre les têtes à l'endroit. Défaite cette fois-ci à Dunkerque sur le score sévère de 6-0. Le Montpellier Vipers, qui espérait viser plus haut que la course au maintien cette année, devra s'accrocher tellement le début de saison semble pénible. À ce stade de la compétition, il reste scotché à dernière place avec 5 défaites en 5 matchs. Dernier événement qu'il y avait à suivre à Montpellier, vous devez le savoir, je le cite juste sans rentrer dans les détails, c'était aussi les 10 km de Montpellier, donc grande semaine de sport à Montpellier. Je laisse Corentin nous parler d'un autre club et il y avait un derby oui, contre l'Arago de 7 pour le Mavuc de Castelnau. Le MCV. MCVU, c'est maintenant. Oui, parce que maintenant il y a Castelnau. C'était Montpellier Agglomération, maintenant c'est voilà, on Castelnau. Connaissait le BLMA avec l'AT et maintenant Castelnau a aussi son club. MCVUC, oui. Voilà. Donc bon, pour rien vous cacher, j'ai oublié mes notes, donc on va faire ça en freestyle. Mais je m'en rappelle bien. Donc en fait, derby à la maison pour Montpellier avec un beau match, puisqu'on sortait de l'Eurovolley dont on avait parlé largement et qui avait bien marché à Montpellier quand même. Donc. Une salle quand même assez pleine, 2800 spectateurs, c'est pas mal pour du volley, ouais. Pour un derby c'est super sympa, et donc Montpellier a accueilli l'Arago de 7 dans un derby très régional, et 7, il faut voir qu'avait fini avant-dernier la saison dernière, donc on était quand même favori. Montpellier qui était en grande forme avec 4 victoires sur 5 en amical. Eh ben, patatras, les amis, après avoir gagné le premier set, on s'est effondré totalement, défaite 3-1. Bon, c'est pas inquiétant puisque c'est le premier match, mais il va falloir vite rebondir, et pour rebondir dès mardi, donc demain, quoi, contre Toulouse, et le week-end prochain, ça sera donc à Castelnau, un match très compliqué contre Paris. Donc, tout de suite sous pression en début de saison, ça va être compliqué. C'est quoi l'objectif? Voilà, c'est ça la question. En fait, tout ça pour venir à quoi? pour venir à l'objectif. Ça fait 3 saisons d'affilée que Montpellier est stoppé en play-off net, en quart on est stoppé. Et là, je pense que l'objectif, ça va être d'aller chercher une demi, voire une finale, ce qu'avait fait la Rago de 7 il y a 3 ans. L'enjeu aussi, c'est vraiment réussir à performer en play-off, puisque sur ces 3 saisons où on finit en quart, il y a 2 fois on finit sur le podium, et malgré ça, on est stoppé net. Ouais, sur la saison régulière. Voilà. Donc l'objectif, ça serait de vraiment pouvoir performer, je pense, en play-off, et toujours atteindre ces play-offs. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, ce serait d'atteindre les playoffs. C'est vrai que le MCVUC a terminé à plusieurs reprises en bonne posture en championnat, hein, voire premier ou deuxième, c'est déjà arrivé par le passé. Mais si on se fait stopper en playoffs, hein, c'est un petit peu la même histoire qu'au rugby en top 14. Ouais, j'allais faire le parallèle avec rugby. Ouais. Tout ça n'a plus beaucoup d'intérêt, donc je pense qu'il ne faut pas forcément s'inquiéter de défaite. Alors, prématuré. Bon, perdre dans le derby et à domicile contre la Rago de 7, ça fait jamais plaisir, bien sûr, quand on est Montpellierain. Mais l'objectif, ça va être déjà de se qualifier et puis de se préparer, tant d'un point de vue physique que mental, avec un bon turnover aussi, sans doute, tout au long de la saison des joueurs, pour, après avoir obtenu, il faut déjà aller la chercher, la qualification en play-off, pouvoir espérer une demi-finale, voire une finale. Qu'en pensez-vous? Je pense que bon, on est à peu près tous du même avis, mais c'est vrai qu'on a été déçus l'année dernière, notamment de cette défaite. Surtout qu'on avait reçu 2 joueurs juste avant. Oui. Plein d'espoir avant le match retour. On disait que qu'ils étaient très optimistes. Enfin non, qu'ils voulaient passer le quart de finale et qu'ils avaient leur chance. Et qu'ils avaient appris des précédents échecs. Ouais. Et qui 2 jours après prend 3-7-0 à domicile. Ouais. Cette année, oui, c'est si le club ne veut pas stagner, il faut passer un cap et la saison régulière, ça ne suffit pas. C'est plus facile de se qualifier. Dans les 8, il y a combien, 14 équipes? 16, non, 16, il me semble. Je crois bien, mais donc, ouais, à vérifier. Je pense que dans les 8, même si tu fais un mauvais début de saison, tu peux quand même te qualifier. Mais après, voilà, il y a de la place. Il y a aussi la place, il y a aussi le fait de pouvoir recevoir en match retour, en quart, etc. C'est des petits détails qui comptent dans une saison. Qui ont leur importance. En tout cas, on souhaite une belle saison MCVUC. On espérait bien sûr une victoire contre la Rago de 7, mais ça. C'est pas les Nîmois non plus. Voilà, c'est pas non plus les Nîmois. On a c'est plus. C'est un friendly derby. C'est. On a plus de sympathie pour 7 sans doute. Je ne sais pas. Ça, je vous en laisse juge, chers amis. Et puis on espère qu'au retour, on ira l'emporter chez eux. D'ailleurs, il y a aussi un derby qui arrive. Mais je le dirai dans l'agenda en water polo contre 7. En tout cas, une belle semaine de sport montpelliérain, bien animé. On retrouvera aussi le MHSC masculin dès la semaine prochaine, sachant qu'il joue ce week-end, comme on vous le rappellera. On passe tout de suite à notre première pause musicale avant de recevoir, et du coup, restez bien avec nous et retrouvez-nous en live Facebook dans quelques minutes pour écouter Victoria Binet et Claudine Rogumiel sur l'heptathlon en partenariat avec le Krebs de Montpellier. On prend notre première pause musicale tout de suite et j'ai choisi Dans l'univers de Nekfeu en featuring avec Vanessa Paradis. C'est un tout nouveau son. À tout de suite. Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as pas. Y'en a plein mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais des choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sait pas. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies. Sur Terre 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais des choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sait pas. Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies sur terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais les choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sépare. On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les puissants lits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Dans l'univers y'a des milliards de vies sur terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais les choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sépare. Nos cœurs unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Et rebonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2 FM, votre émission Sport and Chill. Et ce soir, nous avons notre première interview de l'année avec le Krebs de Montpellier, et nous recevons deux jeunes athlètes de 17 ans, c'est bien ça, du Krebs. Donc à ma droite, Victoria Binet, qu'on avait déjà reçue l'année dernière, enfin même pas l'année dernière, c'était au début de cette année, mais saison 4, et du coup Claudine Rau-Gumiel qui nous fait sa première émission avec nous. Ça va, pas trop stressé de venir par ici? Peut-être pas pareil pour les deux, je sais pas. Juste, hop, au moins ce sera plus simple. Juste pour démarrer l'interview, je vais un peu vous présenter. Alors sous couvert des précisions que m'a envoyé Martin, vous n'hésitez pas si on dit n'importe quoi à un moment, mais normalement ça devrait aller. C'est juste pour vous présenter un petit peu à nos auditeurs. Donc tout d'abord, Claudine, toi tu as 17 ans, tu es née le 1er juin 2002 au Burkina Faso. Ta spécialité, c'est le cas pour les deux pour le coup, c'est l'heptathlon, donc les épreuves combinées, on en parlera. L'année dernière, tu as battu ton record sur 100 mètres en 12 secondes 66. Tu as fini notamment 7e des championnats de France jeunes d'épreuve combinée avec un score de 4701 points, si c'est exact. 706. presque. Mais heureusement, tu vois, tu fais bien d'être là pour, tu vas pouvoir nous préciser tout ça. Tu as fini 8e au triathlon, toujours au championnat de France 2019. Oui. Ouais. Et du coup, tu es scolarisé au lycée Jean Mermoz et interne au Krebs. Ensuite, du coup, Victoria, née le 30 mars 2002 à Ajaccio, donc oui. Une Corse qu'on reçoit ce soir. Spécialité en heptathlon aussi, en athlétisme. Tu as été retenue récemment pour le Festival Olympique de la Jeunesse qui a eu lieu à Bakou, en Azerbaïdjan, du 22 au 27 juillet. Oui. Tu pourras nous parler de cette expérience qui a dû être assez particulière. Et cette année, tu as battu ton propre record de Corse aux 400 mètres et avec un chrono, on va voir si c'est le bon, de 60 secondes 44. C'est ça. C'est bien ça. Donc du coup, championnat de France jeune d'épreuve combinée, tu as été 3e à l'heptathlon avec 5116 points. Tu as fini 2e également au triathlon, c'était championnat de France aussi? Non, c'était sur 400 mètres. C'était sur 400 mètres, voilà. Et tu es scolarisé au lycée Jean Mermoz et interne au Krebs, donc vous êtes dans la même situation pour les études avec votre discipline. Oui, t'avais peut-être une précision. Non, c'était OK pour toi. Du coup, on va commencer peut-être par revenir un petit peu sur votre parcours. Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, l'une comme l'autre, on va peut-être démarrer par Victoria, comment tu as découvert l'athlétisme et qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans ces disciplines ? Alors pour ma part, j'ai des parents du coup qui sont sportifs depuis toujours. Mon père court beaucoup, des longues distances. Et donc c'était en Corse où mon père est donc licencié à mon club où je suis toujours, qui est donc le CAB. Et à cette époque-là, je faisais encore un autre sport, je faisais de la danse, qui n'a rien à voir. Et je suis allée sur le stade pour voir mon père. Et en fait, j'ai essayé et ça m'a plu. Du coup, j'ai commencé les entraînements de plus en plus régulièrement et j'ai totalement accroché. J'ai même arrêté la danse et j'ai tout de suite aimé toutes les disciplines. Du coup, j'ai toujours fait des épreuves combinées et voilà. Donc, un coup de cœur finalement, presque par hasard ou pas, c'est forcément ça. Avec ton entourage, mais qui t'a fait essayer. Pour toi, comment tu es arrivé vers l'athlétisme? C'est un sport qui t'a toujours plu, et puis l'heptathlon, justement, qu'est-ce qui fait arriver sur l'heptathlon? Bah alors moi, j'ai commencé, en fait, au début, je faisais des crosses, crosses du collège, lycée et tout. Et un jour, il y a Stéphane Diagana qui est venu, parce qu'il y avait son fils dans le même collège que moi. Il a fait « Ah, tu devrais essayer l'athlétisme », donc je me suis mis à l'athlétisme avec son fils et voilà. Voilà comment tout à coup on se retrouve plongé dans l'athlétisme et les épreuves combinées. L'heptathlon n'est pas une discipline qui est très médiatisée jusqu'à présent et elle compte donc un nombre d'adhérents relativement plus réduit à haut niveau en tout cas que d'autres disciplines. Comment vous l'expliquez? Par sa difficulté, son exigence, par la nécessité d'être polyvalent, qui fait que du coup, c'est moins évident de rester sur l'heptathlon à haut niveau. Ouais. Moi, je pense qu'elle, de l'extérieur, elle peut faire peut-être un peu peur de le fait de devoir être polyvalent, effectivement, sur toutes les épreuves, en endurance, en sprint, en saut, en lancer. Il faut pouvoir savoir et aimer, surtout, faire toutes ces choses-là. Et vu que c'est pas très médiatisé, moins de gens, je pense, le connaissent et veulent en faire. Est-ce qu'on se spécialise assez tôt, Claudine, pour ton cas, dans les épreuves combinées ou est-ce que justement c'est plutôt le contraire? Au début on fait des épreuves combinées et puis certains spécialisent et d'autres restent sur l'heptathlon et les autres types d'épreuves combinées, je veux dire. Au début je connais beaucoup de personnes qui essayent épreuves combinées parce qu'ils veulent essayer plusieurs épreuves encore. Puis après c'est à partir de cadette qu'on doit commencer à spécialiser dans une épreuve ou rester aux épreuves combinées. Ok. Et il y a des disciplines de l'heptathlon qui ont plus tendance à faire la différence sur les compétitions, je veux dire lorsqu'on pense justement au saut, lancer et aux autres disciplines. Déjà peut-être si l'une de vous deux, peu importe, peut rappeler quelles sont les épreuves en compétition. Et puis après, justement, est-ce que c'est des cas spécifiques, chacun a ses spécialités, essayer de compenser, ou est-ce qu'il y a des épreuves un petit peu décisives? Bah, donc, pour les épreuves qu'il y a, c'est donc 100 mètres haies, hauteur, poids 200 mètres et longueur javelot et 800 mètres. Et donc, après, chaque personne a une épreuve plus forte que les autres et une autre moins bonne. Donc, ça aide aussi. Après, il y a dans l'heptathlon et le décathlon, les courses en général marquent plus de points que les concours. Donc, c'est avantageux si on est plus rapide. Ouais, ça peut faire la différence. Il y a moins le risque du zéro si aussi. Vous mordez trois fois à la longueur ou ce genre de choses. Tu as une discipline, toi, de prédilection un petit peu, justement, Claudine, que tu préfères aux autres ou plusieurs, même peut-être, s'il n'y en a pas une qui ressort du lot. Et la longueur, je préfère. Les et la longueur. Et pour ta part, je sais que tu m'avais expliqué déjà. Les trois courses. Moi, je préfère et puis. Et puis c'est là où on est aussi un peu le meilleur, donc en général on préfère là où on est le meilleur. Oui, ça peut jouer, et dans d'autres domaines, mètres, j'adore. Dans d'autres domaines aussi, il me semble, ouais. c'est sûr que ça peut jouer. Comme tu le rappelais, Victoria, l'heptathlon, comme d'autres types d'épreuves combinées, tu parlais aussi du décathlon, fonctionne avec un système de points, un système de points qui n'est pas forcément évident à comprendre du grand public, lorsqu'on voit les résultats, ne serait-ce qu'en quelques lignes dans les médias. Est-ce que, sans rentrer dans le détail, justement, tu peux un peu expliquer comment ça fonctionne, ce système de points en épreuve combinée? Donc, pour chaque épreuve, on a une certaine performance, et cette performance vaut un certain nombre de points qui est déjà prédéfini depuis très longtemps, c'est une table. Et donc, en fonction de la performance qu'on fait, on a un point, et au final, on ajoute tous les points des 7 épreuves pour les athlons ou des 10 pour les décathlons, et ça nous donne un total qui, au final, fait le classement général. Mais en fait, il n'y a pas de logique à une épreuve qui vaut 800 points si tu fais, par exemple, 6m30 à longueur. Il n'y a pas de logique que ça vaille 850 points, quoi. C'est fixé pas... en fonction du classement, il n'y a pas de prime à la performance. Ah non. Finalement. Non, voilà, il n'y a pas de logique pourquoi ça vaut telle performance, ça vaut 800 points. Mais non, ça a été fixé il y a longtemps et maintenant on suit ça. Voilà. Ça arrive que ça fasse discuter entre athlètes, ou vous ayez déjà vu des remarques sur ah ben tiens, le système de points il était comme ça, ou tout le monde part du principe qu'effectivement il a été fixé, que ça a été bien réfléchi et qu'il faut faire avec. Après, je sais que, comme on disait, les courses marquent plus que les lancers, et ça c'est quelque chose qui fait parler, parce que je connais une athlète, Vaya Marin, qui était venue l'an dernier avec moi, qui est sa spécialité, enfin une de ses épreuves fortes, c'est le javelot. Et malheureusement pour elle, c'est une épreuve qui ne marque pas beaucoup de points, même si on fait une très grosse perf. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire discuter sur la notation des de créer un peu un équilibre entre les épreuves. Du coup, sur le système de points, est-ce que deux personnes deux athlètes qui vont faire une performance assez similaire, par exemple sur une course, on va se dire à quelques centièmes près, peuvent avoir le même nombre de points en fait au final? Pour une course, du coup, il y aurait à peu près le même nombre de points. Mmh. Après, pour le total final, ça dépend des autres épreuves. Oui, bien sûr. Oui. Mais sur une épreuve, oui, c'est possible qu'on marque le même nombre de points qu'une autre fille. Qui est derrière, par exemple. Oui. Oui. D'accord. Si au bout de la cinquième épreuve, on est septième et qu'on fait la même perf que la première, on va marquer le même nombre de points. Ça dépend vraiment de la perf de la discipline. Maintenant qu'on a un peu présenté le sport, on va peut-être revenir sur le profil de l'heptathlète. Justement, Claudine, qu'est-ce que tu dirais qui peuvent être les qualités premières pour faire de l'heptathlon? Ça peut être des qualités physiques, psychologiques. De quel ordre sont-elles? Justement, qu'est-ce qui fait qu'un heptathlète, c'est finalement un peu différent qu'un coureur de 100 mètres ou quelqu'un qui fait de la hauteur et seulement de la hauteur? Bah déjà, avoir beaucoup de technique, parce qu'on doit avoir de la technique dans toutes les disciplines. Avoir du mental, parce que c'est compliqué de faire toutes les épreuves. C'est long, surtout. Ouais, le 800 mètres, c'est assez compliqué. Et je dirais que c'est tout. Moi, je pense qu'il y a aussi il faut avoir un très gros mental, parce que c'est sur 2 jours, un heptathlon. Et c'est pas comme un 100 mètres ou un concours où ça dure 100 mètres quelques secondes, ou un concours 1 heure, 2 heures. Là, c'est vraiment sur 2 jours. Dès qu'on finit une épreuve, il faut se reconcentrer, se remobiliser pour pouvoir enchaîner la suivante. Et même, on a une nuit où on n'a pas fini, en fait. Donc, ça aussi, c'est compliqué au niveau mental. Guillaume, tu avais une question? Oui, justement, sur les blocs d'entraînement, sur le déroulement de vos entraînements, comment vous faites pour gérer les 7 épreuves sans, par exemple, régresser si vous ne faites pas de la hauteur pendant 2 mois? Enfin, est-ce que vous faites, vous appelez une épreuve pendant 2 mois pour vous concentrer non, sur non, votre entraînement? Non, en général, on essaie toutes les semaines de faire toutes les épreuves, parce que sinon on perd de la technique et tout ça. Donc on essaye tout le temps d'être régulier, de faire au moins une séance de chaque discipline par semaine. On travaille plus ses points faibles, ses qualités, il faut travailler les deux finalement. Ouais, les deux. Faut faire les deux pour progresser dans les points faibles, mais rester à notre niveau, même progresser encore plus dans nos points forts. Surtout pour le moment où vous êtes encore dans ces catégories jeunes et où du coup il y a une marge de progression relativement importante. Justement, on peut s'interroger sur comment fonctionnent les entraînements en heptathlon, sachant qu'il y a beaucoup d'épreuves lorsqu'on fait les épreuves combinées sur lesquelles il faut se préparer. Peut-être Claudine, c'est quoi un peu une semaine type d'entraînement? Parce qu'une journée, c'est peut-être compliqué à dire, mais une semaine où en plus on doit jongler avec les cours finalement. Bah là, actuellement, comme c'est la reprise, le lundi, on a PPG et travail sur plot. Oui. Pour travailler notre course. Le mardi, on a muscu. Mm-hmm. Le jeudi, on fait des haies. Et souvent, on fait un lancer aussi, donc javelot ou poids. Le jeudi, ça dépend. ça peut changer tous les jeudis. Et le vendredi, on travaille vraiment l'aérobie, notre endurance, le cardio. Et vous avez un staff du coup particulier. Il y a des entraîneurs différents en fonction des disciplines et des jours, ou c'est voilà, ce sont les mêmes personnes qui vous suivent tout au long de la semaine. Cette année, on a deux entraîneurs. Du coup, on en a un qui est donc Jean-François Tubiana qu'on avait déjà. Enfin, moi, j'avais déjà l'an dernier et qu'on voit 3-4 fois par semaine. Mmh. Et l'autre entraîneur qui est tout nouveau pour nous cette année, qui est Benjamin. Et on le voit 2 fois par semaine, lui. Et il parle entre eux, il s'organise. Et puis, nous, ça marche très bien avec les deux. Du coup, vous dépendez du centre de formation. Vous êtes un petit groupe. Vous êtes combien à peu près dans votre section à vous? Dans le centre de formation, on est une quarantaine cette année. Mais ouais. Avec notre entraîneur, on est une dizaine, une petite dizaine, ouais. Mmh. Voilà. En termes de section, est-ce que vous êtes amené à collaborer du coup avec ceux qui font décathlon ou c'est vraiment deux sports complètement séparés Le décathlon et l'heptathlon ? Oui. Non, c'est pareil, c'est juste que les garçons ont 3 épreuves de plus. D'accord. Donc on s'entraîne avec des décathlètes. Okay. Eux font 3 épreuves de plus, mais... Ok. Donc c'est ouais, d'accord. Ils doivent rajouter ça à leur programme hebdomadaire, ouais. Mais il y avait des groupes d'entraînement commun. Peut-être venons-en à vos compétitions. Vous avez eu l'occasion, l'une comme l'autre, de découvrir année après année des compétitions. Il y a la performance physique que vous essayez de travailler à l'entraînement chaque semaine. Et puis lorsqu'on pense, on va déjà les citer, en décathlon à Kevin Mayer, qui en plus s'entraîne au Krebs de Montpellier, à Katarina Johnson-Thompson, qui a été championne du monde à Doha en heptathlon. Est-ce que vous diriez que ce n'est pas finalement plus de votre expérience, aussi ce que vous avez vécu d'une compétition sur l'autre, la dimension mentale qui ferait la différence justement de devoir enchaîner toutes ces épreuves avec l'exigence physique que ça demande, l'organisation, tout le programme tout au long des journées de compétition? Bah oui, forcément, le mental joue énormément. Après, il y a forcément une part de physique, de performance, de niveau. Mais le mental peut jouer sur un championnat, sur un meeting, comme on l'a vu sur ces championnats. Même en dehors de l'heptathlon, une compétition qui a un petit meeting, une compétition basique, n'est pas du tout la même qu'un grand championnat, un championnat du monde qu'il y a eu à Doha. Et la préparation, qu'elle soit physique ou mentale, elle est différente à la veille d'une compétition, ou globalement il faut garder les mêmes habitudes? En tout cas, c'est le cadre qu'on vous donne, où on vous dit voilà, on s'approche de l'événement, mais voilà, on n'a pas à changer quoi que ce soit. Il faut juste viser son objectif quelque part. Pas spécialement, parce qu'il faut toujours avoir le même état d'esprit, que ça soit une compétition ou une autre, faut être pareil. Et on s'est entraîné pour, donc on sait ce qu'on doit faire. Justement, revenez peut-être auprès de nous sur les dernières grandes compétitions auxquelles vous avez participé. On en a cité, dans la petite présentation. On va dire les 2-3 dernières années, on va démarrer par Victoria. Quels sont les événements auxquels tu as participé, les grandes compétitions qui t'ont marqué et auxquelles tu as pu participer? Alors, pour ma part, ce sont les championnats de France, qui j'en ai fait du coup plusieurs sur mes 2 dernières années de cadette. J'ai également fait, étant licenciée en Corse, les Jeux des Îles. Mmh. Ça a duré 3 ans de suite, je les ai faits. Et surtout, cette année, les Foges à Bakou, qui pour l'instant sont une expérience extraordinaire. Oui. Tu as eu l'occasion du coup de te confronter à l'ensemble à des meilleurs athlètes européens. Oui. C'était de ta génération. Une autre dimension, on va dire, parce que là, c'est vraiment le... Vu qu'on est, il y avait une seule athlète qui représentait chaque pays dans une discipline, c'était la meilleure du pays. Donc forcément, c'est un autre niveau que juste les compétitions, même championnat de France ou championnat régional. Donc ça change. Ça change beaucoup. De ton côté, Claudine, si tu avais des épreuves auxquelles tu as participé qui t'ont marqué, soit parce qu'elles sont importantes, soit parce que pour toi, ça a été un peu des moments forts de ta jeune carrière. Moi j'ai commencé l'athlétisme un peu plus tard que Victoria, et donc les championnats de France que j'ai fait l'année dernière. Ouais. C'était où? C'était où? À peu près sur la carte Laval, de France. Ouais. Cette année c'était à Laval, et l'an dernier c'était à Oyonnax. Ouais, bah, les championnats de France épreuves combinées à Laval. Bon, les conditions étaient assez compliquées puisqu'il a plu, il a pas fait beau, c'était très en plein mois de juin, il faisait froid. Mais c'était une bonne expérience puisqu'il y a toutes les athlètes avec nous, on est tous ensemble et c'est cool aussi. Ouais, c'est vrai que ça doit être quelque chose. Puis bon, voilà, de pouvoir passer un peu de la phase d'entraînement à se confronter à tous les meilleurs au niveau national, ça doit être une expérience particulière. Je sais pas si vous aviez éventuellement, les chroniqueurs, une autre petite question sur ce sujet. Moi, j'avais une question d'ordre, enfin, organisationnel. Victoria, tu as dit que tu étais athlète au CA Bastia, ça, oui, qu'on connaît aussi pour le football. Pourquoi, en fait, du coup, tu peux rester athlète licencié au CA Bastia tout en étant à Montpellier au Pôle Espoir, c'est ça? Juste pour expliquer. Avec le centre de formation, on a l'occasion, enfin, le pouvoir de choisir notre club. Soit on change de club et on s'inscrit au MAM, au Montpellier Athlétisme. D'accord. Parce qu'il est en lien avec le centre de formation, soit on reste dans notre club d'origine, que ce que j'ai choisi de faire, mais il y a une certaine charge après. Parce qu'on on s'entraîne au centre de formation, mais on ne le représente pas. D'accord. Donc, voilà. Mais on peut rester dans le club qu'on veut. Et du coup, tu as toujours des entraînements en Corse ou... Non, okay. Je m'entraîne tout le temps à Montpellier, mais okay. Par contre, du coup, je vais faire des compétitions en Corse avec mon équipe de Corse. Ok, d'accord. Ouais, bah, effectivement, ça doit être un peu une organisation, mais bon, c'est sympa par contre de pouvoir garder le contact avec le club dont on a fait partie. Dans ton cas, Claudine, tu dépends d'un club ou justement seulement maintenant de la structure du centre de formation? Bah, moi, je suis restée au club de Nice. Donc, oui. Pareil que Victoria, je fais les compétitions ici et des fois je rentre à Nice pour faire les compétitions avec mon équipe. Et ensuite, bah, concernant donc, l'heptathlon, là on parlait un petit peu des clubs. On a cité certains champions, Décathlon bien sûr, Kevin Mayer, pour l'heptathlon chez les féminines, Katarina Johnson-Thompson. Est-ce que il y a, toi en plus tu as eu l'occasion d'aller pour les Jeux de la Jeunesse du côté de Bakou, est-ce qu'il y a des pays, dont on fait partie ou non d'ailleurs, qui sont en pointe sur les épreuves combinées en athlétisme, qui te semblent être un peu les nations phares, ou finalement est-ce que c'est assez divers? Moi je trouve en épreuve combinée, c'est une discipline où tous les pays sont à peu près bien représentés, comparé à du sprint ou à des sauts où c'est plus les Américains surtout sur sprint. Mais je trouve épreuve combinée, c'est assez homogène au niveau des pays. Ça reste assez homogène. C'est vrai qu'il y a des disciplines, y compris en athlétisme. Alors bon, voilà, si on restait dans le très classique et un peu dans le poncif, on dirait bah, qu'en marathon, le Kenya ou l'Éthiopie sont des grands pays d'athlètes. Du côté des courses, les Jamaïcains ou les Américains, pour l'heptathlon, c'est plus diversifié finalement. Ouais, je trouve. Bah, là, on a vu à Doha, au championnat du monde, il y avait assez de tout. Il n'y avait pas beaucoup de... Par exemple, trois athlètes qui ont fait un très bon résultat au final d'un même pays. Là, on avait Katarina Johnson-Thompson qui est anglaise, ensuite Nafissa Tsoutiem qui est belge, oui. Et j'ai oublié son prénom, enfin son de famille de la troisième qui est, je crois, autrichienne. Oui, c'est possible. Je crois que c'est ça. Donc on voit une homogénéité des pays. Ouais, une homogénéité. Oui. Globalement. Guillaume, peut-être. Ouais, on va pas finir cette interview, je sais pas où on en est, sans parler on de on ce est pas loin de la fin, tu as raison, vas-y. Sans parler de ce plaisir qui arrive dans 5 ans, les JO à Paris. Déjà, alors, est-ce que c'est un objectif? J'imagine que oui. Et est-ce que ce sera pas peut-être un peu trop tôt? C'est justement en athlétisme, la moyenne d'âge où on est notre top niveau, on va dire, c'est 26 ans. C'est plus tard, ouais. C'est plus tard. Ouais. Du coup, pour nous, ça serait plutôt 2028. Mais après, à Paris, ça reste toujours un objectif et un rêve. Ouais, ça fait rêver, Claudine, de pouvoir participer aux Jeux Olympiques et puis d'autant plus éventuellement à Paris 2024. Bah oui, qu'on commence à s'entraîner pour, donc il faut bien. Au cours des entraînements, justement, le staff que vous avez au Krebs. C'est un sujet qui est évoqué, je ne dis pas forcément toutes les semaines bien sûr, mais de temps en temps, c'est JO 2024 pour vous motiver ou pas forcément? Pour l'instant, on ne parle pas de projets aussi loin. On parle des championnats de France de cette année, pour notre âge cette année, mais on ne parle pas être aussi loin dans l'avenir. Faut rester concentré sur... sur le présent. Sur le présent, sur les objectifs à court terme. Justement, avant de terminer cette interview, pardon, quels sont un petit peu vos objectifs? On a cité vos dernières performances. Là, peut-être à court terme, quelles sont les prochaines échéances et vos objectifs personnels, Claudine? Y a les championnats de France qui vont bientôt arriver. Donc déjà, être finaliste au championnat de France. Oui. Ensuite, comme là, on vient d'entamer une nouvelle année, on rentre en junior 1. Il y aura des filles plus âgées que nous, du coup. C'est déjà être... Au changement de catégorie. Finaliste au championnat de France, ça serait bien. Ça serait déjà une belle perf. C'est ton objectif, Victoria, aussi ou... Après, pour moi, ayant goûté à l'équipe de France... J'ai aussi je pense aussi aux championnats du monde qui vont être à Nairobi cette année au Kenya. Oui. Après, moi. Bel événement. Voilà, c'est. En ayant goûté une fois dans l'équipe de France, on veut forcément y reparticiper encore. Et du coup, voilà, les championnats de France déjà hivernaux, qui seront en février, je crois. Après, pour la saison estivale, encore les championnats de France. Et pourquoi pas les championnats du monde. Et après, moi, étant donné. Je fais des épreuves combinées, mais je fais aussi du 400 et du 400 mètres haies. Donc j'aurai plusieurs opportunités, on va dire, de pouvoir me qualifier à ces championnats du monde. Et je vais tout faire pour. On te souhaite en tout cas le meilleur dans les prochaines compétitions. Avant d'arriver à notre question de conclusion, Katharina Johnson-Thompson s'entraîne au Krebs de Montpellier. Elle a été championne du monde et a obtenu son premier titre en heptathlon à Doha avec 6981 points, approchant la barre mythique des 7000 points. 4 ans après le 3e titre mondial de sa compatriote Jessica Ennis-Hill, et elle détrône la Belge Nafissa Toutiam, tenante du titre et 2e avec 6677 points. Elle s'entraîne au Krebs de Montpellier. Vous avez eu l'occasion de la rencontrer. Et qu'est-ce que ça suscite un petit peu en vous de se dire qu'il y a la championne du monde qui s'entraîne à Montpellier? Moi, je ne l'ai jamais vue encore. Oui. T'as pas eu l'occasion? Toi, ça fait un mois et demi que tu es là. Moi, ça fait 2 ans, du coup, j'ai pu la voir et avoir même quelques petits contacts avec elle au cours de ces années. Et ça fait quelque chose de se dire qu'on a une championne du monde sur notre stade. Parce qu'on s'entraîne au même lieu qu'elle. Beaucoup de Montpellierains ne le savent pas, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc, c'est toujours gratifiant, même pour le Krebs, pour les entraîneurs. Et même pour nous, on se dit qu'on peut le faire aussi, vu que c'est ici. Qu'ils ont finalement la même structure d'entraînement, de même, je pense, chez les garçons à Kevin Mayer. Pour arriver à ce niveau, quoi. C'est ça. On a ce qui se fait de mieux à Montpellier en épreuve combinée d'athlétisme, c'est quand même super, quoi. Ouais, du coup, c'est ce que je me demandais un peu, je sais pas si vous serez en mesure de répondre, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pôle de compétitivité qui se crée autour de ces épreuves combinées à Montpellier? À Montpellier, du coup, nous, on est au centre de formation, mais il y a aussi le pôle France d'épreuves combinées, où Kevin Mayer et Katharina sont. Donc après, il y a d'autres combinards très, très bons qui sont autre part dans la France, mais voilà, peut-être que ça joue, je ne sais pas. Katharina Johnson-Thompson, donc, qui est entraînée au Krebs de Montpellier par Bertrand Valsin, qu'on avait en plus reçu il y a maintenant au moins 2 ou 3 ans dans l'émission, dans le cadre d'une interview, et qui s'entraîne donc au Krebs de Montpellier. Elle a réussi, il faut le signaler, la 8e performance de l'histoire avec son titre mondial en heptathlon à Doha au Qatar. Et donc, bien sûr, Kevin Mayer s'entraîne aussi chez les garçons pour le décathlon à Montpellier. On le sait, on lui souhaite le meilleur dans la perspective des JO 2020 à Tokyo. Côté français, on ne l'a pas cité, mais il le faut bien, justement, c'est l'occasion. On a Solène Ndama qui a participé à ses premiers mondiaux et qui se classe à Doha finalement 14e avec 6034 points. Donc voilà, on a des Françaises en tout cas aux portes du top 10 mondial. On espère aussi qu'à Tokyo, elle fera encore un petit peu mieux, et puis on verra peut-être pour les JO 2024. Oui, pourquoi pas. Pour une Française qui irait le plus loin possible. Je vous pose ma dernière question. On faisait cette question l'année dernière lors de beaucoup d'interviews. Je ne sais pas si ça avait été le cas lors de la visite de Victoria, mais ça me semble important, et d'autant plus en début d'année. Si vous deviez, imaginons qu'on ait des auditeurs qui ont votre âge, ou plus jeunes, ou même plus vieux, peu importe, qui souhaiteraient se mettre à l'athlétisme, ou qui se sont posé la question, qu'est-ce que vous direz à... un peu n'importe qui, finalement, qui nous écoute, pour le motiver à découvrir l'athlétisme plus qu'une autre discipline sportive? Moi, je dirais la diversité. L'athlétisme, c'est une épreuve, un sport et où il y a énormément de diversité, donc des sauts, des lancers, des courses longues et courtes. Et vraiment, on peut forcément trouver quelque chose qui nous plaît dans une de toutes ces disciplines, ou même pas cette discipline pour nous. Et pour toi, Claudine ? L'athlétisme, c'est une très belle épreuve. Et preuve combinée encore plus, qu'il faut continuer, que si on veut s'y mettre, c'est quelque chose de très bien et qu'il faut y aller. Ouais. Et aussi, je voudrais ajouter que moi, je trouve l'athlétisme, et aussi en heptathlon et même dans tout, c'est comme une famille. Quand on regarde à chaque fois, à la fin du décathlon ou de l'heptathlon, tous les athlètes font un tour ensemble et elles sont tout le temps au cours des 7 épreuves en train de se soutenir et de s'encourager, même si en fait elles sont rivales. Du coup, j'aime beaucoup cet aspect aussi d'amitié et de famille dans l'heptathlon. Il y a beaucoup d'échanges effectivement lorsqu'on regarde les épreuves, même à la télé, on voit finalement entre les athlètes, et c'est pas le cas dans tous les sports, en tout cas à ce point, quitte même, on avait pu voir, alors c'est une autre épreuve aux mondiaux, cet événement avec la perchiste française qui avait échangé sa perche, qui en fait n'était pas la sienne d'ailleurs, c'est celle de la suédoise. avec celle de la suédoise, mais voilà, il y a des histoires un peu savoureuses en athlétisme. On voit que ce soit l'équipe de France ou les athlètes internationaux, quelle que soit leur nationalité, échangent entre eux, et donc c'est aussi, je pense, qui est intéressant dans le sport et dans le sport de haut niveau. On vous souhaite en tout cas une bonne continuation dans votre jeune carrière, et puis bon courage pour passer dans la catégorie suivante et pour vos objectifs prochains. On verra ensuite pour Paris 2024, où on vous souhaite bien sûr de pouvoir avoir la chance d'y participer. Prochains événements, on le rappelle maintenant que vous nous l'avez dit, les championnats de France et puis les championnats du monde de Nairobi. On espère que ce sera du coup de belles réussites pour vous. Et puis également pour toutes les autres athlètes, du coup vous êtes 7, c'est ça que vous me disiez, membres de votre groupe d'entraînement en épreuve combinée. Et bien écoutez, bonne soirée à toutes, et puis on va passer à notre deuxième pause musicale qui sera Feather de Nujabes. Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good, the rules in paradise are never nice. The best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon. An average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon. Fly like an arrow of God until I'm gone. So drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the something that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the something that is greater. Taking chances, word tap dancing with wolves in an ice arena. Ain't it trying to be Dali when I write surreal life, but painted vivid. Habitat crazy insane. Watching propaganda, 6 o'clock news and insane. Cultures clash, all black folk and white trash. They rebel in the cyberspace that might crash. Dash to millennium, a million miles are running. At the speed of now, bow, no return gunning. Rambo style gun, hold child gunning. Airbow plow, 2 times loud, stunning. Stunning when they hit you, lift you off the earth like, hey yo, take you right back to birth. And niggas wonder why, they might wonder why this shit might happen, but it does. It go drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the summit that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the summit that is greater. So treat you better than me, cause that's the heavenly key to unlock the inner strength. My essence will be, it's the knowledge of self, understanding of the things around me that becomes the wisdom that I need. Living this life to the best of my ability, channeling energy to my thoughts, attain symmetry. Remember me, because my prose remain gold. I got the gift of gab like them pimps and cane goals. It never ends, I keep it rolling like a tous, on est toujours sur Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier. On a un petit délai de retard, c'est la première interview, il va falloir se roder aussi avec les interviews. En tout cas, on remercie encore le Krebs de Montpellier, nos deux heptathlètes Victoria Binet et Claudine Rogumiel pour cette interview qui était tout à fait intéressante. Le son du soir, c'était Feezer de Nujabes. Et on passe tout de suite au grand moment de l'émission, concocté par Guillaume, Jingle Quiz. Sport and Chill, le quiz. Le quiz qui va nous occuper ce soir, j'attrape juste un petit stylo pour pouvoir mettre vos noms, messieurs, et réaliser ce quiz. Du coup, vous êtes que trois ce soir, je vais compter sur votre grande réactivité. Là, c'est l'occasion d'en gagner un quiz facilement. Et c'est l'occasion d'avoir sa petite étoile même, ouais. Tu pourrais nous dire, Corentin. Ça, c'est l'objectif d'une vie, hein. on le sait. Hein. Ah, c'est l'objectif d'une vie, avoir sa petite étoile à Radio Campus Montpellier pour Sport & Chill. Première question proposée par Guillaume, et c'est un tour de table. Donc ne répondez pas trop vite. Grâce à la victoire de Valtteri Bottas, Mercedes a sécurisé un nouveau titre de champion constructeur. Mais combien de victoires Valtteri Bottas a-t-il en Formule 1? Et on démarre par Tariq, qui a l'air dans le doute. Allez, je dirais 10. 10 pour Tariq. 7. 7 pour Guillaume. 8. Et 8 pour Corentin. Et le premier point va à Guillaume, qui est le plus proche. Et c'était 6 victoires pour Valtteri Bottas dans sa carrière. Finalement, il n'en a pas tant que ça, jusque-là, le pilote finlandais. Prochaine question, vous pouvez me couper à tout moment pour répondre. C'est une petite biographie. Je suis né en mars 1997, élevé avec mes deux frères par mes grands-parents dans l'Ohio. Je commence mon sport de prédilection... Oh, très fort Guillaume, qui a bien suivi la chronique de Tariq d'ailleurs sur, avec une petite brève sur la gymnastique. Je commence mon sport de prédilection à l'âge de 6 ans et intègre l'équipe américaine à 14 ans. Je décroche mes premiers titres mondiaux en 2013 et deviens rapidement la première et unique triple championne du monde du concours général avant de faire une razzia aux Jeux de Rio. 3 médailles d'or, 1 de bronze sur 4 épreuves. Après les JO, je prends une année sabbatique et me retrouve mêlé à des histoires extrasportives mais reviens sur le devant de la scène en 2019 en m'emparant ce week-end du record de médailles mondiales pour une gymnastique avec 25 podiums. J'ai un prénom à ressusciter nos grands-mères et un nom de famille à faire sortir un Corse de sa sieste pour travailler, dit-il. Simon Biles, l'américaine. Et 2 points pour Guillaume. Prochaine question, et c'est une question course à pied. Ce week-end, Eliud Kipchoge est devenu le premier coureur à courir le marathon en moins de 2 heures. Son record n'a cependant pas été homologué rapidité, mais pour quelle raison? Parce qu'il y avait des gens qui l'aidaient, en fait, il y avait des relais de personnes qui lui mettaient dans, qui lui permettaient d'avoir une aérodynamicité. aérodynamicité, ouais. D'être aérodynamique, en fait. De la mer, je sais pas, facile à expliquer. D'être aérodynamique. Ouais, d'être aérodynamique, donc voilà. Quelque part, mettez-moi le point et. Oui, bien sûr, t'es même allé chercher encore plus de détails. Mmh. La course, tout simplement, n'était pas officiellement un marathon. Elle a été organisée par Ineos, un sponsor de nouveau qu'on retrouve, que ce soit au cyclisme ou au foot. Et donc. Guillaume précise avec des lièvres spécifiques afin de casser la barre des 2 heures. Prochaine question, actualité chargée pour le Kenya et le marathon ce week-end. Brigide Kosgei a battu le record du monde du marathon pour les femmes, mais quel était son temps exact? 2h14. Estimation. Oula, là je regarde parce qu'on peut être proche. Ouais, pile avec les secondes, tu veux? Allez, du coup, je propose des secondes. S'il y en a qui ont des secondes à proposer, on y va. Non, mais c'est bon, 2h14, c'est ça, donc il y a raison. Après, les secondes, non, je les ai pas. Oui, le 2h14, tu m'as demandé. Je suis d'accord. J'avais pas précisé en plus rapidité autour de table, ce qui te laisse l'occasion de répondre. Et c'est 2h14 et 4 secondes. Je sais pas si Guillaume avait le perfect, mais bravo 160. À Corentin qui a bien suivi ça. Prochaine question, et c'est une question cyclisme. La saison cycliste vient de se terminer. Mais qui finit premier du classement de l'UCI homme? Roglic. Oh, il y en a deux qui sont chauds là et qui se tiennent à égalité de points. C'est bien Primoz Roglic, on l'a dit, il suffisait de suivre pour le coup. Prochaine question, rugby, et c'est une question tour de table. Qui a fini meilleure équipe de la phase de poule? Je veux dire par là, quelle équipe a le plus de points et la meilleure différence, si nécessaire, de se départager. Et on va démarrer par ceux qui sont en avance, avec Corentin à ma gauche. Quelle est l'équipe qui a le meilleur bilan de cette phase de poule? L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud pour Corentin. L'Afrique du Sud. Afrique du Sud pour Guillaume. J'aurais dit Afrique du Sud aussi. Eh bien écoutez messieurs, ce sera un zéro pointé pour vous. C'est le Japon ? Ce n'est pas l'Afrique du Sud, ce n'est pas le Japon mais pas loin. C'est le Pays de Galles. Pays de Galles. 19 points plus 67 contre le même total de points mais plus 53 pour le Japon. Vous nous avez oublié nos petits Gallois donc c'est rare mais zéro point sur cette question. Prochaine question, rapidité sur le rugby. On a parlé de matchs annulés, mais du coup, quel est le premier match de l'histoire de la Coupe du Monde annulé ? France-Angleterre ? France-États-Unis ? Ah non, il y en a eu un il y a 50 ans, je sais plus quoi là. Ah. T'es pas sur une bonne piste, je réponds à dire. Ah, bon. Réfléchissez juste au programme. Hein. J'aurais dit France. Là, faut être opportuniste. Hein. J'aurais dit Nouvelle-Zélande, Italie ? Eh oui. Ah, il était avant ça. Nouvelle-Zélande, Italie était plutôt le même jour et il n'y avait pas eu de match annulé jusque-là. C'était pas si compliqué. On passe à une question football. Hugo Lloris s'est blessé, comme vous le savez, équipe de France. Varane entraînera le brassard de capitaine pour la 14e fois ce soir sous l'ère Deschamps. Il y a eu en tout 5 capitaines, dont 2 l'ont porté à une seule reprise. Mais qui sont ces joueurs à l'avoir porté qu'à une seule reprise le brassard sous l'ère Deschamps? Ah, Deschamps. Est-ce que vous en avez un? Il y a eu 5 capitaines sur Deschamps et il y en a 2 qui l'ont porté qu'une seule fois. Exactement. Je dirais Griezmann. Matuidi. Matuidi, c'est le deuxième, il a porté plus que... Ouais, il l'a porté plus, mais il est gilé dans ce groupe. Giroud, non. Ouais. On va voir si vous l'avez. Mandanda? Non. Ce sont deux joueurs qui ne sont pas actuellement avec le groupe France. Titi, non. Si je me trompe. Patrice, je sais pas, Patrice Eva. Pogba. Il y en a un qui est un peu controversé. Hein, mais bon. Giroud. Ah là là là là, messieurs, je vais être obligé de passer. Pavard, Cruzawa. Non. Non, non, non. Le craquage. J'ai pas, là. Vous avez pas. Tolisso. Benzema, non. Je sais pas. Ah, il en récupère un. Karim Benzema était capitaine de l'équipe de France. Oh. Allez, Tariq ouvre son compteur et le deuxième c'était Mamadou Sakho. Oh. Ah ouais, oh ouais, compliqué. Prochaine question, c'est une question foot ou pas, finalement. C'est une question joueur de foot. Dans quel sport s'est reconverti Petr Cech? Donc, qu'est-ce qu'il a? Ouais. Okay, ah, il y a eu de la rapidité. Il m'a mangé. Il m'a mangé. Pour Guillaume qui revient. Super barré, j'ai vu une vidéo, elle a fait l'arrêt du match. Ah ouais. Sur un penalty, ouais. Il reste deux questions et ce sont deux questions football. Donc tout le monde a ses chances et Corentin et Guillaume sont ex-aequo. Moi je préfère le curling, mais bon. De qui cette citation parle-t-elle? Cela a été dur sur le premier entraînement. Il a taclé Atem avec conviction. Je crois qu'il a failli retourner en U16 avec ça. De qui parle-t-on? Atem, mais Narfa, il n'a pas de club. Oui, mais ça peut être quelqu'un qui raconte une aventure récente. Diaby? Non. Cela a été dur sur le premier entraînement. Il a taclé Atem avec conviction. Je crois qu'il a failli retourner en U16. Ah, Camavinga. Eduardo Camavinga. Oui. Et c'est Mbaye Niang qui raconte cette anecdote qui est assez savoureuse et que je vous encourage à aller voir et que Guillaume vous a ressorti. Corentin est pas loin du but, mais ce n'est pas fait. Dernière question. Et c'est un chiffre, ou un nombre plutôt. 43. Indice, victoire. 43 victoires d'affilée pour Liverpool? Non. 43 matchs sans victoire pour Saint-Marin? Qualification. Football. Andorre a mis fin à 43 matchs sans victoire. Qui a mis fin? Andorre. Non. Non. Par contre, vous êtes sur une bonne voie. L'Arménie, non? Vous n'avez pas la bonne sélection, mais il y a une série qui a mis fin, mais la série de quelle équipe? Malte. Avec 43 victoires. Ah. J'ai dit victoire comme l'Angleterre. L'Angleterre, Guillaume. Ah, c'est bien l'Angleterre. Ils vont se partager la victoire. Ils ont gagné 43 matchs. Il a eu un bel indice quand même. Ils ont dû jouer que ils avaient gagné 43 matchs en qualification Euro et Coupe du Monde et ça s'est terminé face à la République tchèque lors de la dernière journée de qualification. On en vient tout de suite à notre agenda de la semaine, si je parviens à remettre la main dessus. Petit aléa du direct, excusez-moi. Tu voilà, veux les tips ? On y est. Avant d'en venir à nos tips, avec du coup les matchs de la semaine. Tout d'abord, le Montpellier Vipers. Côté Montpellier, en hockey sur glace, les Montpellier Vipers joueront à domicile samedi prochain à 19h pour affronter le club de Neuilly-sur-Marne lors de la 6e journée de D1. En water polo, en championnat, les poloistes montpelliérains joueront le samedi 19 octobre à 20h à la piscine Antigone face à 7 pour un derby à l'extérieur. Les Sétois ne pouvant jouer actuellement dans leur piscine qui s'annonce palpitant et qui constituera le premier test de cette saison 2019-2020 pour le MWEP, alors que les Sétois chercheront leur premier succès de la saison après deux défaites inaugurales contre Marseille et Aix-en-Provence. Pour le MCVUC en volée, le MCVUC tentera de se reprendre en Liga avec une semaine qui les verra jouer à deux reprises. Tout d'abord, les volleyeurs montpelliérains rencontreront à l'extérieur Toulouse ce mardi à 20h. En fin de semaine, ils retrouveront le Palais des Sports de Castelnau pour un nouveau choc face à Paris samedi à 20h. Le BLMA, la saison est lancée et les Gazelles seront sur le parquet à deux reprises cette semaine. Mercredi à 20h, ce sera une soirée événement au Palais des Sports de Lattes. Les joueuses latoises retrouveront les joies de l'Euroleague et entameront leur campagne européenne dans la plus grande des compétitions continentales face à l'équipe hongroise de Sopron Basket. En Ligue féminine de basket, les Gazelles du BLMA se déplaceront ensuite à Saint-Amand et nos baskets samedi à 20h pour défendre leur première place en championnat et tenter de conserver leur invincibilité. Dans les autres matchs que je n'ai plus sous les yeux, mais je sais que le MHSC retrouve les terrains ce week-end. À Reims samedi à 20h. Et également le MHR pour la compte de la 8e journée recevra samedi prochain à 15h30 au GGL Stadium le champion en titre, le Stade Toulousain. Le MRC, quant à lui, les féminines, leader du championnat, se déplaceront en Normandie pour affronter l'AS Rouen Université Club dimanche à 15h lors de la 5e journée d'élite féminine. Le MHSC féminin jouera face à Metz samedi à 14h30 avec l'objectif de retrouver le goût de la victoire pour continuer à regarder vers le haut cette saison. Enfin, pour le MHB, deux rendez-vous. Montpellier se déplacera tout d'abord à la halle polyvalente mercredi à 20h30 pour la 7e journée de Lidl Star League. Et enfin, pour la grande affiche de la 5e journée de Ligue des Champions, le Montpellier Handball recevra samedi à 17h15 à Sud de France Arena le leader de la poule B, le club allemand de Kiel, impressionnant depuis le début de saison. Un match qui vaudra assurément le détour samedi prochain à Montpellier. Guillaume, nos tips de la semaine avant de se quitter sur le son de la semaine. Ouais, et il va falloir faire vite parce que ça commence dans 10 minutes. J'ai pris un combiné sur les qualifs de l'Euro parce que le rugby, on n'a pas encore les joueurs, la compo et tout pour les quarts de finale. Donc ce soir, il y a Bulgarie-Angleterre. J'ai mis Harry Kane qui marque avec son équipe qui gagne, cote à 1,80. Il y a aussi Suisse-Irlande, je crois, c'est ce soir. Je sais plus exactement. Suisse-Irlande, j'ai mis la Suisse. Ukraine-Portugal, ça je suis sûr que c'est demain, j'ai mis match nul, cote à 3,30. Et l'Italie qui va au Liechtenstein, j'ai mis l'Italie avec au moins 4 buts d'écart, parce que l'Italie, il faut trouver la cote à peu près pas mal, 1,77. Donc je pense que ça peut passer pour l'Italie, cote à 15,77. Cote du coup qu'on vous invite à tenter ou en tout cas à défier Guillaume sur ses paris. Ce serait beau qu'il fasse le 4/4 tandis que Tim n'a jamais réussi à le faire. J'osais pas le dire, la bise à notre Tim qui nous reviendra très vite sans doute pour nous parler notamment tennis et football, lui qui doit être ravi de récupérer Rudy Garcia comme entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Je vous remercie messieurs pour cette belle émission de sport que nous aurons proposée ce soir. Nous allons nous quitter avec le son de la semaine, un hommage à Eugène Saccomanno, le grand journaliste sportif de nos confrères d'Europe 1 et d'RTL qui nous a quittés lundi dernier lors de notre précédente émission. Ce sera le commentaire du but en or de David Trezeguet à l'Euro 2000. Merci du coup à Guillaume qu'on avait depuis Amsterdam. Merci aux Krebs de Montpellier pour cette interview avec nos deux jeunes heptathlètes Victoria Binet et Claudine Rogumiel à qui on souhaite le meilleur. Vous retrouverez ensuite, après le son de la semaine, à partir de 21h, votre émission Campus Hi-Fi qui fait suite au programme de Sport & Chill une semaine sur deux. À la semaine prochaine et vive le sport sur Radio Campus Montpellier. Robert Pires qui récupère, Robert Pires qui crochette, il est parti pied gauche, double contact, Pires qui va redresser peut-être pour Trezeguet qui frappe. Oh, Trezeguet ! But à mort ! But à mort ! But à mort de Trezeguet ! Trezeguet, l'homme qui fait les miracles ! Trezeguet, l'homme qui a chaque fois nous donne la victoire, un mouvement exceptionnel de Pires qui, comme à son habitude, file sur le côté gauche et file donc sur la ligne de but. Il chante en retrait et là, reprise de volée.